Eh bien, si tu as un amoureux, bête, pourquoi ne l'épouses-tu pas? Avait dit la baronne en faisant un signe à sa fille. Voilà 3 ans qu'il est question de lui, tu as eu le temps de l'étudier, et s'il t'est resté fidèle, tu ne devrais pas prolonger une situation fatigante pour lui. C'est d'ailleurs une affaire de conscience, et puis, s'il est jeune, il est temps de prendre un bâton de vieillesse. La cousine bête avait regardé fixement la baronne, et voyant qu'elle riait, elle avait répondu « Ce serait marier la faim et la soif. Il est ouvrier, je suis ouvrière. Si nous avions des enfants, ils seraient des ouvriers. Non, non, nous nous aimons d'âme, c'est moins cher. »« Pourquoi le caches-tu ? » avait demandé Hortense. « Il est en veste, » avait répliqué la vieille fille en riant. « L'aimes-tu ? » avait demandé la baronne. « Ah, je crois bien. » Je l'aime pour lui-même, ce chérubin. Voilà 4 ans que je le porte dans mon cœur. Eh bien, si tu l'aimes pour lui-même, avait dit gravement la baronne, et s'il existe, tu serais bien criminel envers lui. Tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer. Nous savons toutes ce métier-là en naissant, dit la cousine. Non, il y a des femmes qui aiment et qui restent égoïstes, et c'est ton cas. La cousine avait baissé la tête, et son regard eût fait frémir celui qui l'aurait reçu. Mais elle avait regardé sa bobine.